de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour un nouveau numéro d'Autour de vous, je reçois Christian et Madame Yveline Legrand. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Bonjour Laura. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, donc je suis Christian, je suis le président de l'association ERVA qui œuvre pour venir en aide aux personnes en situation de handicap dans le reste à charge quand ils sont obligés de s'équiper de matériel divers. D'accord, et vous ? Et moi, je suis Yveline Legrand, donc je fais partie de l'association API, c'est mon mari qui l'a créée par rapport au handicap pur, puisque lui a la sclérose en plaques. Et donc, on œuvre aussi avec ERVA parce que nous, on peut leur envoyer des gens qui ont besoin de créer des dossiers une fois qu'on les a dirigés nous-mêmes par la MDPH et autres premiers dossiers, enfin première demande. On disait justement en antenne qu'il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, et c'est très long. Les dossiers sont très longs. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association ERVA ? Alors, bien sûr, ERVA a vu le jour en 2021. C'était quelque chose que nous avions à cœur avec un groupe d'amis depuis longtemps. Moi, j'avais participé avec le mari de Madame Legrand déjà en 2002 à un événement pour venir en aide aux personnes en situation de handicap, toujours pour les aider à s'équiper. Donc, on avait fait un événement, un gros événement avec l'AS Nancy Lorraine de l'époque et Pablo Correa qui était l'ASNL évoluait en division 2 et ils étaient venus à Damblin, petit village de la Pampa Vosgienne, de l'Ouest Vosgien, pour un match caritatif. Et on avait réuni beaucoup de fonds qui ont été distribués dans toute la France pour des personnes qui avaient besoin soit d'un fauteuil, soit d'équipements divers. Et c'était quelque chose que j'avais à cœur depuis de longues années, de réactiver cette idée qu'on avait eue en 2002. Et ça a été fait en 2022. Pablo Correa qui a été entraîneur de l'AS Nancy Lorraine aussi, je crois. Tout à fait, années. Pablo Correa était l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine et c'était par des connaissances réciproques que je l'avais contacté et qu'il avait accepté de venir à Damblin. Il se trouve où le siège de l'association ERVA ? Alors le siège de l'association est en Haute-Marne, à la mairie de Brevannes-en-Bassigny et l'adresse postale est à Damblin, dans les Vosges, voilà. Du coup, est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? En équipe. Je ne conçois pas de pouvoir travailler seul parce qu'il y en a beaucoup plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Combien de bénévoles il y a à l'association ? Alors, le conseil d'administration et qui est aussi les membres, au départ, nous étions 11 et maintenant, on est 27 membres. Et alors, membres actifs qui font partie du conseil d'administration et du bureau, on peut dire qu'il y a un noyau de 10 personnes. Est-ce que vous recherchez des bénévoles actuellement ? Ah bien sûr, puisqu'on crée des événements, on va essayer d'en créer encore davantage. Et plus on a de bénévoles, mieux c'est. Et puis, ne serait-ce que pour nous représenter, avoir des membres un peu partout qui disent, qui peuvent communiquer, dire ce que l'on fait, c'est important d'avoir des représentants. Plus on a de représentants, mieux c'est. Et quel est le rôle des bénévoles actuellement ? Alors, c'est de prendre part à la vie de l'association et tout en quand on organise des choses, comme on va y revenir plus tard, on organise de l'événementiel et on aimerait pour collecter des fonds. Et là, eh bien, c'est de construire le projet. On avait par exemple notre AG et conseil d'administration samedi et on a parlé de nos projets 2023 avec ce qu'on allait faire. Et déjà, les tâches ont été réparties selon les capacités des uns et des autres et les tâches sont réparties. Et c'est très collégial, il n'y a pas de décision unique, les décisions sont prises collégialement. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ? En nous contactant via notre page Facebook ou notre site internet, et puis il y a un formulaire à remplir, désire être membre, et puis voilà, c'est tout simplement, on peut nous l'envoyer soit par courrier postal à l'adresse postale, soit l'envoyer par mail à l'adresse mail, nous avons une page Facebook, un site internet, et voilà, il suffit de nous écrire. Et comment est-ce que vous l'avez créé l'association ? Comment l'avons-nous créé ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on avait vraiment à cœur, donc j'avais depuis 2002 à cœur de réactiver cette idée qu'on avait eue en 2002. Et on s'est renseigné sur ce que, d'abord s'il y avait d'autres associations qui aidaient dans ce sens. Et bah, devant le désert on s'est dit eh ben on y va, on crée une association et on va se donner les moyens de d'aider le maximum de personnes. On a fait un dossier auprès de la préfecture et des services fiscaux pour être reconnu d'intérêt général, chose qui a été faite directement, avant même qu'on ait organisé notre première manifestation, on était reconnu d'intérêt général. Et de là, eh bien, on est parti, on a créé un premier événement qui était un loto avec deux autres associations. Et puis après, la boucle du handicap qui était notre gros événement en 2022. Est-ce que vous avez des partenaires avec l'association ERVA ? Alors oui, on a entre autres l'API 52, dont Madame Legrand pourra vous parler plus que moi. Et l'API 52, elle aide à construire les dossiers, c'est-à-dire vous êtes en situation de handicap, vous savez pas à quelle porte frapper, vous appelez l'API 52, ils vont vous diriger vers tous les différents organismes et vous aider à construire le dossier. Donc l'API 52 est notre partenaire privilégié, mais il y en a d'autres. Donc on a aussi la DMR Vosges qui soutient l'association. Il y a des autres associations, par exemple les chiens guides d'aveugles nous ont suivi aussi dans notre organisation de la boucle du handicap à Neuchâtel en 2022. Il y a eu un ESAT, il y a eu la ville de Neuchâtel est aussi notre partenaire, et puis des commerçants aussi sont nos partenaires. Les chiens guides de l'Est, je les avais reçus il y a quelques mois avec Christiane et son chien qui s'appelle Nutz, avec son mari qui est président de l'association. D'accord. Alors c'était les chiens guides de l'Est, donc ils venaient de Metz, là. C'était le président qui était venu, donc je ne sais pas si... Si, c'était lui. Alors c'est parfait, donc on a les mêmes connaissances. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collaborateurs, par exemple le trésorier, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans l'association ? Alors oui, il y a un trésorier, alors, mais là je peux vous en parler, mais il va y avoir un parti pris parce que c'est mon épouse la trésorière, donc je serai plus à même de vous parler de la secrétaire qui est un peu la deuxième cheville ouvrière, qui est Lauriane, qui est vraiment très active parce que c'est... Alors vous allez peut-être penser que c'est une affaire familiale, mais c'est pas du tout le cas. Lauriane est la fille de monsieur et madame Legrand, et Lauriane est donc aussi sensible au handicap puisque son papa ayant la sclérose en plaques c'est un peu la deuxième cheville ouvrière, je dirais. On travaille. Le CA nous a donné pouvoir pour prendre des décisions quand il y a une urgence, pour prendre une décision. Par exemple, dire, on donne suite à un dossier. C'est Lauriane qui envoie les demandes d'aide. C'est Lauriane qui fait les convocations. Lauriane fait beaucoup de choses un peu. C'est la cheville ouvrière au niveau du secrétariat et d'autres choses encore. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler d'un son que vous avez choisi et des différentes actions de l'association En route vers l'autonomie et de l'association API 52. À tout de suite sur Radio Gamozo. Condamné sans recours dans la plus fermée des prisons, emmuré par les contours d'un corps qui jamais ne répond, tu te bats seul contre toi-même, comme un accusé à tort, seul, comme un criminel dans le couloir de la mort. Grand petit frère, tu es si différent, pourtant petit frère, d'entre nous tu es le plus grand. Tu forces mon admiration, toi qui aurais mille raisons d'en vouloir à la vie. Grand petit frère, tu es si différent, pourtant petit frère, d'entre nous tu es le plus grand. Tu nous fais la leçon, sans un bruit, sans un... Ce qui à nos yeux paraît essentiel, luttant pour ta survie à chaque instant et sans répit, tu as su faire de ton enfer le champ d'un chemin vers le ciel. Épuisé dans l'invisible, la force de vivre en homme libre. Grand petit frère, tu es si différent, pourtant petit frère, qui aurais mille raisons d'en vouloir à la vie. Grand petit frère, tu es si différent, pourtant petit frère, d'entre nous tu es le plus grand. Tu es si beau dans ta détresse, tu es si fort dans ta faiblesse. Tu es un rayon d'espoir, un cadeau de la Providence, l'acteur d'une belle histoire de revanche sur la chance. Merci pour le modèle que tu es dans ta différence. Merci d'être là dans cet hiver, comme figé dans le temps, ton imaginaire a su inventer le printemps par la force de la passion. Ta foi surpasse la raison et t'ouvre à l'infini. Grand petit frère, le meilleur nous attend dans cet univers, là où tout sera différent, où nos larmes seront séchées, où l'amour aura triomphé. Nanana, nanana, nanana. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Christian et Yveline. Alors Christian, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette chanson que nous venons d'écouter ? Eh bien, cette chanson parle d'un petit frère, grand petit frère, quelqu'un qui est malheureusement enfermé dans son corps et dans un fauteuil roulant. Et elle me parle beaucoup. C'est une chanson qui est pleine de sensibilité, pleine d'empathie, pleine d'amour. Et c'est quelque chose qui correspond bien à ce que ERVA essaye de transmettre, l'empathie pour les autres. Comment est-ce que vous l'avez découverte, cette chanson ? Sur Internet et par des amis qui m'en avaient parlé. Quelles sont les différentes actions de l'association ? En termes d'organisation, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, en 2022, on a organisé un loto avec deux autres associations, Happy 52 et Quête, qui elles aussi sont dans le domaine du handicap. Nous avons organisé un grand loto à nos gens Bassigny. Et autrement, nous avons organisé aussi la boucle du handicap à Neufchâteau avec plein de sponsors, avec le soutien de la région Grand Est, avec le soutien de la DMR, avec le soutien de la ville de Neufchâteau. Nous avons donc organisé, c'était un gros événement puisque c'était sur toute une journée. Alors, il y avait donc tout au long de la journée, il y avait un parcours organisé d'un kilomètre 4 avec possibilité de le faire à pied, de le faire en fauteuil roulant. Donc on avait des fauteuils roulants. Et les gens qui voulaient voir ce que vivaient les personnes en situation de handicap en ville pouvaient se rendre compte que le parcours était en plein centre-ville au moment du forum des associations. Et ça a permis aux gens qui ont osé de découvrir ce qu'était la vie d'une personne handicapée en fauteuil, confrontée tous les pièges de la ville, les trottoirs à sauter, les obstacles à éviter, les pentes à grimper et, ou à descendre. Ça a été quelque chose de très parlant. D'ailleurs, si vous allez sur notre site, il y a des photos, et sur notre page Facebook, il y a des photos qui montrent des personnes qui n'étaient pas du tout en fauteuil, qui ont fait ce parcours et qui ont été frappées par justement les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et comme difficulté, il y a les transports aussi, non ? Il y a les transports. Alors, c'est sûr que la plupart des villes n'ont pas de plateforme pour accéder aux transports en commun. Et ce qui veut dire que vous êtes condamné à rester chez vous ou alors à trouver quelqu'un qui vous véhicule et qui vous aide à vous déplacer, à vous transférer du fauteuil au siège passager. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Et donc, c'est vrai que là, alors, on n'a pas eu, lors de notre journée, on n'a pas vécu ce type de choses, mais c'est vraiment le transport, les transports dans les régions rurales et semi-rurales n'est pas du tout adapté aux personnes handicapées. Et puisque dans les bus, ça doit être compliqué, à moins d'avoir quelque chose pour faire monter la personne. Oui, la plupart des bus n'ont pas. Alors, dans les grandes villes, si, bien sûr, il y a pas de problème. Il y a des plateformes, il y a des bateaux qui sont, enfin, des aménagements qui sont faits dans les arrêts bus. Mais autrement, en milieu rural, il y a pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la suppression des lignes SNCF, par exemple. Maintenant, c'est des bus qui font dans notre ouest vosgien. Ce sont des bus qui passent. Les bus ne sont pas faits pour accéder en fauteuil roulant. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se mette en place, ça? Eh bien, il faut que les pouvoirs publics prennent conscience que le handicap fait partie à part entière de notre vie du quotidien et qu'on se donne les moyens, aussi bien dans les administrations qu'ailleurs, de pouvoir permettre aux gens en situation de handicap de vivre comme tout un chacun. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour prendre contact avec l'association ORVA? Alors, toujours par rapport à notre site internet et notre page Facebook, il y a un formulaire. Vous pouvez remplir le formulaire, faire une demande d'aide. Là, il vous sera demandé plein de justificatifs, comme quoi vous avez bien fait toutes les démarches avant de nous contacter. Et si vous ne les avez pas faites, eh ben, on orientera la personne vers l'API 52, qui les aidera à aller frapper aux bonnes portes avant que de venir nous voir et de dire ben maintenant il nous reste X milliers d'euros ou peut-être fois quelques X centaines d'euros pour boucler notre projet. Et là, c'est là où on interviendra. Quelles aides on peut bénéficier quand on est une personne en situation de handicap? Alors, il y a des organismes officiels, la CPAM ou la MDPH peut vous aider, mais il y a plein d'autres organismes qui sont là aussi pour aider les personnes en situation de handicap. Et c'est là où une association telle API 52 a toute sa place, parce que c'est des personnes en situation de handicap qui dirigent cette association et qui ont fait toutes les démarches, qui savent le parcours du combattant qu'il y a à faire pour avoir des aides, et elles connaissent tous les organismes, et ils font partie même, et Madame Legrand pourra développer beaucoup plus que moi, ils font partie de commissions au niveau de la préfecture de Haute-Marne et qui donc donnent des accréditations, et je crois que Madame Legrand sera plus à même que moi d'en parler. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'API 52? Oui, alors l'API 52 a été créé en 98 parce que mon mari s'est retrouvé donc en invalidité. Et puis, on vous dit, voilà, vous êtes en invalidité à partir de telle date, et puis point barre, on vous laisse tout seul. Vous savez pas ce que ça veut dire, déjà, premièrement. Et en fait, il y avait, à la CPAM, il y avait des assistantes sociales qui étaient très, très, très, très impliquées dans leur métier d'assistante sociale. Et ils se sont dit, ce n'est pas possible qu'on laisse les gens comme ça sans aucune référence, sans rien du tout. On va créer une petite commission. Et on va convoquer toutes les personnes du mois qui viennent d'être mises en invalidité, et on va leur expliquer en faisant un espèce de petit dépliant, justement, quelles démarches il faut faire. Parce que il y a plein de démarches, notamment quand vous êtes encore salarié, il faut penser que vous allez être licencié. Hein, c'est déjà une première chose. Et il y a des choses à faire avant d'être licencié. Type, s'il y a une assurance dans votre société, il est bien de se renseigner avant d'être licencié pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Et à l'époque, on ne savait pas du tout. Donc ce petit groupe d'assistantes sociales a créé avec les personnes en invalidité qui posaient leurs questions, comment on fait ci, comment on fait ça. Et donc ils ont créé une petite revue avec les premières choses à faire, quoi. Mmh. Et puis, en plus, à l'époque, je ne sais même pas si la MDPH existait encore. Enfin, déjà, parce que je ne pense pas, parce que c'est arrivé plus tard, la MDPH. C'est la maison départementale des personnes handicapées, justement. Et normalement, il y en a une dans chaque grande ville. Je crois qu'avant, c'était la Cotorep. Oui, mais la Cotorep, c'était pas du tout comme maintenant, quoi. Enfin, c'était encore un autre. On passait devant la commission, la Cotorep, pour être déclaré handicapé, quoi. Et c'est un long processus. Ah, très très long. Mais par contre, quand ça tombait, c'était convocation au médecin conseil de la CPAM, et puis paf, vous sortiez du bureau, ben voilà, vous étiez en invalidité, quoi. Alors en plus, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. En sachant que, bon, pour un salarié, par exemple, c'était moitié de son salaire, et point barre. Alors, bon, ben, comme tout le monde, les gens se retrouvent avec une maison sur le dos, des enfants élevés. Comment on fait ? C'était pas, c'est pas toujours évident. Donc voilà, bon après, bon, ces petits dépliants se sont faits et les assistantes sociales donc convoquaient régulièrement les gens. Et puis au bout d'un moment, elles se sont dit, mais c'est quand même bête, il faudrait créer une association. Et mon mari se trouvant dans les plus jeunes, mon mari a la sclérose en plaques depuis qu'il a 30 ans. Et donc c'est vers la quarantaine qu'il a été déclaré en invalidité et donc ne plus pouvoir travailler du tout. D'accord. Donc déjà, faut accepter. Ce qui n'est pas évident. Donc, il n'y a pas que le problème pécunier. Il y a aussi le problème familial, parce que ça arrive dans une famille. Ça peut des fois faire des gros problèmes, type divorce, enfin, choses comme ça. Et en plus, il y a le problème de la personne qui doit prendre ça dans sa tête aussi, et puis le digérer, et puis l'accepter. Et donc, l'association, elle est venue comme ça. Il faut un président, il faut quelques... Et le début d'API a été comme ça. Mon mari était le président. Il est le président depuis 98. Et puis, on a eu des adhérents qui étaient donc des personnes handicapées qui étaient autour de la table aussi. Et puis, petit à petit, ça a grossi parce que les assistantes sociales nous envoyaient les personnes pour qu'on puisse les aider à créer leur dossier s'ils avaient besoin d'une salle de bain ou d'équipements divers, quoi. Voilà, pour le début. Et vous avez combien de bénévoles actuellement à l'API 52 ? Alors nous, actuellement, on est à peu près 80. Mais on a été beaucoup plus que ça, on a été plus de 120. Mais bon, alors il y a déjà beaucoup de membres qui sont de la famille, hein, forcément, la famille, les amis aussi. Donc ils ne sont pas forcément géographiquement en Haute-Marne. Hein. Mais après, nous, c'est pareil, on est des personnes dans toute la France, ne serait-ce que répondre à des questions. Donc c'est pareil, ça peut être par rapport à notre site. Par rapport à notre page Facebook, on a une page Facebook qui s'appelle Asso API. Et donc, les gens posent des questions, on peut leur répondre déjà dans leur démarche. Et puis alors, par téléphone. Mon mari fait beaucoup assistante sociale aussi, du coup. Il est très doué pour ça. Est-ce que vous recherchez des bénévoles, vous aussi, ou pas ? Ah ben oui, bien sûr, comme toute association. Alors nous, par contre, on fait des réunions tous les premiers jeudis de chaque mois sur Nogent. En Haute-Marne, donc. Et bien sûr, toutes les personnes qui veulent déjà se rendre compte comment marche l'association, on les invite, bien sûr, s'ils sont libres ce jour-là, à venir découvrir nos petites réunions mensuelles, quoi. Est-ce qu'on peut aider l'association en devenant adhérent ou en faisant un don aussi ou pas ? Oui, bien sûr. Nous sommes habilités à recevoir des dons et donc délivrer des reçus fiscaux pour cela. Mais nous, c'est que depuis 2015, parce que au tout début, déjà, on ne connaissait rien non plus dans la création d'une association. On ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. On a découvert les choses petit à petit. Et puis donc, un jour, un ami nous a dit « Mais vous devriez demander à être reconnu d'utilité publique », ce que l'on a fait. Alors, il faut fournir un dossier, enfin une lettre de demande, les statuts de l'association, enfin les rapports d'activité des années passées. Alors quand on a déjà exercé, on va dire, sur plusieurs années, il faut fournir 4 ou 5 ans, je crois. Et donc depuis le 15 septembre 2015, nous sommes aussi reconnus d'utilité publique. Il y a encore beaucoup d'administratifs, à ce que je vois. Il y en a toujours, toujours, toujours, toujours. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'association RVA fait pour vous et votre mari ? Ah bah oui, bien sûr. Donc nous, on avait déjà fait nos premières démarches, puisque étant donné qu'on est quand même un peu rodé dans le métier de demande, donc on avait déjà fait la MDPH, le fonds de compensation, la CPAM, on avait aussi quelques touches sur d'autres associations auxquelles on demandait choses. Mais alors la chose qui a été, je pense, le déclencheur, c'est que quand on faisait une demande, on nous disait « Ah ben oui, nous, cette cause nous est particulièrement, on est intéressés pour vous aider et tout, mais on ne peut pas aider des particuliers. Il faut que ce soit une association. » Alors une réponse, une fois, deux fois, trois fois. Après, ça a germé dans l'idée de créer l'association RVA qui donc peut aider par ce biais-là, parce que c'est une association, elle va pouvoir recevoir des dons que nous, en tant que particuliers, on ne peut pas avoir. Et c'est quand même très important. Quelles aides vous avez bénéficié de l'association RVA ? Eh bien, écoutez, ils ont créé une cagnotte en ligne, chose à laquelle nous, on n'aurait pas pensé, tout bêtement, déjà. Donc, vous voyez, c'est comme disait Christian, plus il y a de têtes qui réfléchissent à des choses, plus il y a des idées intéressantes. D'autres demandes, après, je ne sais pas si on peut citer, mais enfin... D'autres demandes qui ont été faites. Et comme c'est une association, on leur a répondu oui. Et puis, on a fait aussi une parution dans le journal avec la photo en expliquant le cas. Et on a quand même été très, très étonnés que des gens, spontanément, ne connaissant pas mon mari ni rien du tout... À part téléphoner chez nous en disant « c'est vraiment vrai, c'est bien vous, monsieur Legrand, c'est vraiment votre cas et tout ». Et oui, et des personnes qui sont eux-mêmes souvent handicapées d'ailleurs, ou d'autres qui sont touchées par le handicap, mais par quelqu'un de leur famille, parce qu'en fin de compte, tout le monde a quelqu'un d'handicapé dans sa famille. Faut pas non plus... C'est pas une tare d'être handicapé. Enfin, beaucoup de gens... Déjà, c'est quand même mal perçu. Je trouve pas ça normal parce que, en fin de compte, vous savez, on est tous un handicapé à venir. Ça peut arriver à n'importe qui du jour au lendemain. Donc, voilà. Mais ce qui est normal, on n'y pense pas quand on n'est pas concerné. C'est un peu normal aussi, c'est la logique. Nous-mêmes, avant d'être concernés, avant 30 ans, on était, on pétait le blues et puis voilà, quoi. On s'occupait pas des autres. Non, mais c'est vrai, il faut le dire aussi. C'est quand on a été touché. Vous disiez que votre mari est atteint de la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Oui, alors c'est une maladie auto-immune du système nerveux central, c'est-à-dire qu'il a la myéline qui se découpe. Enfin, ça fait comme des petites coupures électriques, si vous voulez, dans tout le corps, et ça peut toucher n'importe quel organe. Bon, en particulier, pour mon mari, ce sont les jambes, et voire maintenant une main, mais... Pour lui, ça a été les jambes. Mais ça peut toucher les yeux, les oreilles, la faciale. Ça peut être vraiment n'importe où, quoi. Est-ce que cette maladie est prise en charge par la Sécurité sociale ou pas ? Alors oui, c'est une des maladies reconnues par la Sécurité sociale. Donc au niveau prise en charge, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il existe des organismes qui aident votre mari au quotidien, comme la DMR par exemple ? Alors oui, nous avons la DMR parce qu'effectivement, maintenant je suis en retraite, mais avant je travaillais. Et donc je n'étais pas là. À partir du moment où il a dû rester à la maison, qu'il ne travaillait plus, et puis que la maladie s'est aggravée parce qu'en fait ce sont des poussées où il reste des séquelles à chaque fois. Surtout qu'au début, quand mon mari a été déclaré sclérose en plaques, il n'y avait pas de traitement. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de traitements, donc la maladie est encore mieux prise en charge. Mais au début, il n'y avait rien du tout, donc il y avait des crises, fallait attendre que ça se passe, et puis il y avait des choses qu'on ne récupérait pas forcément. Quelle chose pourrait être mise en place pour aider davantage les personnes atteintes de handicap et leur entourage ? Maintenant, il y a beaucoup de choses, puisqu'il y a quand même l'aide aux aidants, il y a la DMR, il y a le SIAD, il y a plein d'organismes quand même qui s'occupent d'aider les personnes qui aident leur femme ou leur mari ou leurs enfants. Mais dans les campagnes, il faut quand même bien dire ce qui est, on est un petit peu éloigné de tout ça. En ville, ça se passe souvent très bien parce qu'il y a des réunions pour les aidants, il y a des tas de choses. Mais à la campagne, il faut déjà faire une heure de route pour aller aux réunions. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas laisser 2 heures de route plus le temps de la réunion un handicapé tout seul à la maison s'il ne peut pas y rester. Ça pose un peu de problème quand même. C'est comme les histoires de transport, quoi. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de l'actualité des 2 associations, à savoir le RVA et la Piste 52. On vous laisse avec Grand Corps Malade et la bande originale du film Intouchable et on se retrouvera juste après sur le 107. La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Christian et Yveline. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line ou via l'application mobile Les Radios Associatives. Alors j'ai vu, Christian, que vous faites partie d'autres associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, si vous voulez. Alors, je fais partie d'associations, donc une association d'aide à la personne, donc je vais faire un petit peu de pub, qui est l'ADMR, mais aussi je fais partie de l'association API. Je suis le webmaster de l'API, parce qu'avant d'être à la retraite, j'avais mon entreprise, j'avais une entreprise informatique, je donnais des cours et je créais des sites internet. Je fais partie aussi d'associations, donc, qui c'est vraiment toutes des associations qui sont tournées vers l'accompagnement des personnes. Pourquoi avoir choisi le milieu du handicap en particulier ? Alors je suis sensible au handicap parce que déjà étant moi-même, même si ça ne se voit pas, étant moi-même handicapé, j'ai eu en 1986, j'ai eu un accident de la route très grave où j'ai failli perdre mes jambes. Et puis depuis, je suis appareillé, je ne peux plus conduire qu'une voiture à boîte automatique et je suis sensible au handicap. Je crois que c'était en moi. Après mon accident, j'ai vécu des moments difficiles où, ayant été à un spectacle, étant en fauteuil roulant, eh bien, mon frère qui poussait le fauteuil a demandé gentiment aux gens « Est-ce que vous pouvez vous écarter pour que j'aille devant ?» Et là, j'ai entendu ce jour-là « Oh, c'est toujours ces gens-là pour qui on doit se plier, on n'a qu'à faire des spectacles pour eux, puis comme ça, ils nous embêteront pas et je reste poli. » C'est quelque chose qui m'avait ce jour-là assez blessé et j'ai dit « Il faut essayer de faire le maximum pour les personnes en situation de handicap. » On disait aussi hors antenne que 80% des handicaps sont invisibles. Au centre de préorientation à Nancy, il y avait des personnes en fauteuil roulant qui avaient des membres en moins. Les personnes là, ils nous disaient « Mais en fait, c'est vous les plus à plaindre parce que personne ne vous croit du fait que ça ne se voit pas. » Tout à fait. Est-ce que l'association organise des événements comme des lotos, par exemple ? En 2023, on n'a pas prévu de faire un loto. Mais nous avons prévu de faire une soirée espagnole, donc à Brevan-en-Bassigny. Ça sera le 13 mai et donc ce sera une paella avec bien sûr avant l'apéritif, après le salade, le fromage et puis un dessert bien sûr. Et donc on organise cet événement toujours avec l'API. Donc c'est vrai qu'on essaye de collaborer le plus possible ensemble. On espère accueillir le plus de monde possible. La salle des fêtes de Brevan-en-Bassigny est suffisamment spacieuse et voilà, et on souhaiterait faire une tombola. On est en train de se renseigner parce qu'on a quelques questions sur la législation en termes de tombola dans tel événement. On a des doutes parce qu'on a lu sur le site Hello Asso qu'il fallait on ne pouvait réinvestir que 15% de nos gains, c'est bien cela, donc de la vente des billets. Donc on a quelques doutes, mais on voudrait faire une tombola. On veut rester dans la législation et dans la légalité bien sûr. Donc mais on aura une tombola, il y aura des animations, il y aura un DJ très dynamique qui est déjà pratiquement retenu, le traiteur est retenu, donc oui, on fera cela. Et puis autrement, on a aussi un autre événement, donc ça sera la reconduction, ça sera notre deuxième boucle du handicap qui aura lieu donc avec, en même temps que le forum des associations à Neufchâteau en 2023, mais on pourra y revenir plus tard. Est-ce que vous avez participé au Téléthon des Vosges ? Oui, alors on a participé avec une association qui est basée à Villotte, qui avait organisé un marché de Noël solidaire. Donc c'était pour le Téléthon et donc on avait un stand et on a aidé, on a parlé au public présent de nos projets. Donc on était présent sur ce marché de Noël du Téléthon à Villotte. L'association RVA vous a aidé, vous et votre mari, à avoir un véhicule particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, ils sont à l'origine de notre changement de véhicule. Voyant les difficultés que mon mari avait à être mis... Enfin, c'est moi qui le manipulais pour le mettre dans notre véhicule. Et bon, par rapport à sa maladie, entre ne pas tenir debout complètement tout seul... se courber dans le véhicule, mettre les jambes, la chaleur qui est très très mauvaise pour la sclérose en plaques. Donc à l'été 2020, donc nous avons fait le mariage de notre fille et là nos amis ont compris vraiment, par de visu, quoi. Les difficultés que l'on rencontrait, ils se sont dit, là, c'est pas possible, quoi. Ils avaient déjà l'idée que vraiment fallait faire quelque chose, mais là, c'était devenu complètement évident, quoi. Et donc, sans nous en parler, ben, ils ont créé cette association en se renseignant déjà plein. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France, je crois que ce sont 4 ou 5 garages capables de modifier des véhicules parce que c'est quand même tout un très très complexe. Il y a plein de problèmes techniques à résoudre. Et ben, donc, voilà, en France, on n'a pas beaucoup d'endroits capables de faire ça. Et nous, ils ont trouvé ça dans l'Est de la France. Et donc après, ben, l'aventure est partie. Ils ont créé une cagnotte. Ils se sont tout renseignés pour les problèmes techniques, justement, avant de nous. Et nous, on a découvert, en fait, parce qu'ils avaient fait un article dans le journal en expliquant notre situation et tout ça, donc avec l'aide de notre fille, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Un matin, on a eu un appel... suite à la parution, mais non, on n'avait même pas vu non plus, déjà de la directrice de la MDPH qui nous dit, voilà, vous avez pour projet d'avoir une voiture aménagée pour votre mari et tout ça. Donc la MDPH est là pour vous aider. Il y aura aussi le fonds de compensation, la caisse primaire d'assurance maladie, tout ça, ce que l'on savait déjà, mais bon, quand même. Et aussi, alors, des particuliers. Suite à l'article, nous ont appelé en disant ouais, est-ce que c'est bien vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va vraiment se faire, ce projet? C'est génial, tout ça. Nous, on est sensibilisés sur le handicap. On va vous donner de l'argent. Mais bon, nous, la cagnotte en ligne, on ne connaît pas trop. On est des personnes âgées, on n'aime pas. Est-ce qu'on peut vous envoyer directement chez vous un chèque? Donc, effectivement, voilà. Et il y a plein de personnes qui ont fait ça. Et on a quand même récolté 6 000 euros dans la cagnotte en ligne et 2 000 euros en chèque de particulier. Donc, pour nous, c'était impensable qu'il y ait autant de gens qui ne nous connaissent pas et qui donnent de l'argent. Mais c'était le début d'une superbe aventure. Voilà. Après, bon, il y a aussi beaucoup la famille et les amis qui ont aidé, hein, forcément. Mais on est toujours sur le projet parce que, ben, pour le moment, tout n'est pas bouclé pour notre projet. Et pour les personnes atteintes de handicap en fauteuil roulant, je crois qu'on disait aux antennes que les véhicules, c'était pour monter à l'arrière. Mais du coup, votre mari, est-ce qu'il monte à l'avant? Alors, mon mari monte en place avant parce que, pour reprendre exactement ces termes, il ne veut pas être considéré comme un bestiau. Donc, il ne veut pas monter derrière. Ce n'est pas péjoratif pour les autres personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Hein, parce que, voilà. Mais ça reste tout à fait... mais bon... À vrai dire, c'est pas très confortable quand on est derrière. Alors, effectivement, lui, il ne voulait pas être en place arrière. Et donc, c'est pour ça que ce projet était particulier, parce que bah, je crois même que le garage qui s'en est occupé, en fait, c'était sa première expérience comme ça. Mais il faut vraiment de tout. Il s'adapte à tous vos besoins. Est-ce que vous avez organisé des événements avec l'API 52 ou pas? Alors oui, bah, nous aussi. Alors nous, l'API 52, on fait partie donc de la... Alors, de la CDA, c'est de la Commission des droits à l'autonomie, qui est donc par la MDPH. Ce sont des commissions sur, justement, les dossiers des personnes qui font des dossiers MDPH. Alors, on n'est pas... C'est pas... Nous, on ne peut pas gérer, hein, ça. On fait partie des commissions parce qu'il faut qu'il y ait tant de représentants de la loi, tant de représentants de ci, tant de représentants de ça, et des associations. On fait partie aussi de commissions d'accessibilité à la direction départementale de Chaumont. Et donc là, c'est plus les problèmes justement d'accessibilité dans les lieux publics. Tous les ERP, dans les établissements recevant du public, normalement, devraient tous être adaptés, ce qui n'est encore loin d'être le cas. Et donc, ce sont des dossiers qui passent pour voir les projets des gens, les accompagner aussi, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas que pour réprimander, hein, c'est aussi pour, justement, les associations sont là pour trouver des petites astuces qui seraient faciles à faire, moins coûteuses, souvent. Et puis, bien sûr, donner. Là, par contre, on a un avis, pas que consultatif, mais délibératoire. Et on fait partie aussi des commissions tourisme et handicap. Parce que là, c'est pareil, les handicapés n'ont pas le droit d'aller en vacances. Il faut croire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Alors maintenant, il y en a de plus en plus, hein, parce que les gens, ben, ça s'est quand même bien développé. Il y a des hôtels, il y a des gîtes, il y a des musées, il y a des petits parcours aussi dans les sentiers ou quoi que ce soit. Mais bon, ben, c'est pareil, il faut respecter certaines règles. Alors entre l'accessibilité, les règles pour les pompiers, enfin la sécurité, bon voilà, et des fois ça se chevauche un peu. Et bon, mais c'est intéressant de faire partie de ces commissions. Donc nous, c'était aussi dans le but de faire connaître notre association. Et comme on a démarré tout au début, où il n'y avait pas beaucoup d'associations qui voulaient en faire partie, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais enfin bon, voilà, on a fait partie du tout début des lancements de ces choses-là, sur le secteur de Chaumont en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité de l'ERVA et de l'API 52 ? Alors, en ce qui concerne RVA, il y aura le repas et puis alors ce qui va être notre grand événement, c'est la boucle du handicap, mais aussi donc tout cela, c'est pour aider des personnes et donc des personnes qui donc pour 2023, nous on a le projet de continuer à aider le projet de Joël et Yveline, mais aussi d'aider entre autres une jeune fille qui doit installer un ascenseur chez elle parce qu'elle est victime d'une maladie dégénérative aussi, et donc elle doit installer un ascenseur chez elle. Et aussi on a pour projet d'aider un jeune qui fait de la compétition pétanque, et pareil, lui il est confronté à un gros problème, c'est qu'il fait partie d'une fédération, donc il a déjà un haut niveau, et malheureusement il ne peut pas aller quand les compétitions sont loin, il ne peut pas y aller parce qu'il lui faut un accompagnant, il faut quelqu'un pour l'aider, et la fédération prend bien en charge certains frais mais ne prend pas toutes les charges annexes liées à son handicap. Et donc on est une jeune association, on peut être sollicité pour d'autres projets. On a aussi pour but d'aider toutes les personnes dans la mesure de nos possibilités selon les dons que l'on récoltera, d'aider toutes les personnes qui font appel à nous et qui répondent à tous les critères une fois qu'ils ont fait les demandes voulues. Et l'actualité de l'API 52, c'est quoi ? Alors nous, l'actualité, c'est bon, déjà c'est tous les ans, on se bat aussi sur la sensibilisation du respect des places handicapées. Parce que bon, bah, comme souvent, vous allez quelque part, il y a des places handicapées, mais souvent, ce n'est pas des personnes qui ont la carte qui se gare dessus. Et donc, on fait des matinées de sensibilisation, donc dans les parkings, dans les villes aussi, avec l'autorisation de la ville, bien entendu. Et ce n'est pas du tout une réprimande. C'est juste pour faire prendre un peu conscience aux gens qui nous disent tout le temps, ben j'en avais pour 5 minutes, il n'y en a vraiment pas pour longtemps et tout. Bon, ben on leur fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ces places. Et que eux, ben, heureusement pour eux, s'ils peuvent faire 100 mètres avant d'aller dans le magasin, prendre leur chariot et puis aller faire leurs courses, eh ben c'est tant mieux pour eux, qu'ils en profitent, mais qu'ils laissent la place à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est quand même assez dur de faire rentrer ça dans la tête des gens parce qu'ils n'y pensent pas en fin de compte. C'est pas méchant. Mais ils n'y pensent pas. La plus grosse réponse, c'est on en avait pour 5 minutes. Oui, mais bon, 5 minutes, ça peut gêner quelqu'un. Alors ça, c'est le gros cheval de bataille, on va dire, plus toutes les commissions dans lesquelles on fait partie. Et nous aussi, alors on organise soit avec d'autres associations. Nous, on a déjà fait des concerts dans les églises. On participe à des vide-greniers pour faire connaître notre association aussi. Et bien sûr, rapporter un peu d'argent. Et puis donc, on a fait donc déjà plusieurs fois des lotos. Et donc là, le repas avec ERVA, toujours pareil, hein, pour aider les personnes en situation de handicap, quoi. Vos deux associations ont besoin de dons. Ils servent à quoi les dons qu'on peut faire à l'association ? On a des projets importants pour aider, entre autres, je peux souhaiter son prénom, c'est Camille, pour aider Joël, pour aider Driss, donc, et d'autres personnes. Et ces dons serviront à financer leurs projets. Par exemple, Camille, on sait qu'un ascenseur, comme on le disait tout à l'heure, bien souvent, le reste à charge est de 15 000 euros. Si le reste à charge total, après avoir frappé à toutes les portes, c'est un exemple, c'est 15 000 euros environ. Et si il n'y a pas une association telle que la nôtre pour venir en aide, Camille serait obligée de s'endetter, peut-être de renoncer à son projet, donc de déménager si on ne l'aide pas. Comme Joël, pareil, si on ne l'avait pas aidé pour son véhicule, il serait condamné à rester chez lui, ne plus sortir de chez lui. C'est la même chose. Et donc, les dons servent à financer, à aider à boucler le reste à charge des personnes qui vivent des situations pénibles et parfois qui font qu'elles sont exclues de la société. Elles sont complètement marginalisées parce qu'elles ne peuvent plus vivre en dehors de chez elles. Et pour l'API, et nous, pour API, donc, nous, on vit aussi, c'est pareil, hein, l'association, elle vit grâce aux dons, aux subventions que l'on demande aux mairies, qui sont souvent quand même généreuses, et aux adhérents. Aux cotisations. Et nous, alors, on a particulièrement à cœur, chaque année, d'aider, on donne à peu près 600 € pour des personnes qui ont besoin aussi, c'est un peu la même chose, mais sauf que RVA n'existait pas, donc nous, on avait commencé à faire ces aides-là. Mais bon, pour vous dire, c'est pareil, il y a certaines personnes qui sont atteintes du cancer, tout n'est pas remboursé dans le cancer, particulièrement certaines prothèses, ou alors des perruques, des choses comme ça, enfin des choses qui sont peut-être un peu, mais qui sont très, très, très importantes pour les gens qui sont concernés. Donc on aide aussi beaucoup l'association Quête, qui est donc une association parentale qui a une enfant handicapée. Et alors là, c'est même encore pire que les autres choses parce que eux, à vrai dire, ils sont pas plus aidés que ça non plus. Alors que quand on a un enfant handicapé, là, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et il y a beaucoup de besoins. Les enfants grandissent, il faut changer le matériel. Bien sûr, il y a les demandes d'aide à la MDPH et tout, mais on peut pas non plus en faire toutes les 5 minutes quoi, des demandes. Hein. Et c'est quand même très important. Donc il y a souvent du reste à charge. Et donc, nous, on donne 600 € par an à peu près à des personnes bien précises. Alors, bien précises, qui font partie ou pas de notre association, parce qu'on a aussi aidé un enfant dyslexique, par exemple, à acquérir du matériel, un ordinateur, un logiciel pour l'aider à la lecture. Qui parlait et tout ça. On a aussi aidé, nous, dans notre association, on a des personnes, on a tout handicap, nous. Hein. Ça s'appelle l'association Personnes Invalides, mais ce n'est pas que invalide, quoi, je veux dire, c'est vraiment tout handicap. Donc, on a un malvoyant, on a non-voyant, et c'est pareil, ils ont besoin de téléphones, admettons, spécifiques, avec des grosses touches ou des choses qui parlent, enfin des choses comme ça. Et tout n'est pas pris en charge, mais là, c'est beaucoup plus. Le coût est beaucoup plus bas, mais enfin bon. Souvent, ce sont des personnes seules, il faut dire aussi ce qui est. Que ce soit homme ou femme, quand on se retrouve dans le handicap, c'est rare qu'on reste en couple. Hein. C'est quoi les futurs projets de vos deux associations respectives? Qu'est-ce que vous voulez faire sur le long terme? Le long terme pour RBA, c'est de se développer. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, on n'est pas en concurrence. API est plutôt des petits projets et nous, c'est plutôt des projets plus importants et des personnes donc sur toute la France. L'API aussi peut aider sur toute la France. Mais de long terme, c'est de nous développer, de nous faire connaître davantage et de pouvoir aider des personnes de tout horizon de la France entière et dans des projets malheureusement conséquents auxquels les gens disent « c'est pas pour nous, on pourra pas ». Voilà, donc c'est sûr que, comme l'API fait aider pour avoir un téléphone pour un malvoyant ou avoir du petit équipement, ça c'est, on trouvera toujours une structure autour de nous. Aider pour l'accessibilité, avoir un véhicule auquel on peut accéder, ou aider pour un ascenseur, aider pour des gros projets. Il y a très peu d'associations qui le font. Et donc, le but, c'est de se faire connaître, que les gens puissent nous solliciter et qu'on puisse présenter notre dossier à des structures. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, on a été aussi très soutenu par le Rotary Club qui nous a aidés, en l'occurrence, pour un projet. Et pouvoir lancer des appels des appels aux dons pour des projets bien spécifiques. On a eu un contact avec le Rotary Club Grand Est qui nous a suggéré, donc ça n'a encore pas abouti, mais qui nous avait dit, parce que l'on peut faire quand vous êtes sollicité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, vous nous confiez son dossier et nous, on voit toutes les sections du Rotary, par exemple, qui sont dans le Grand Est et on leur dit, il y a telle personne qui aurait besoin et on servirait de lien entre le Rotary et ces personnes pour qu'il y ait des dons qui soient donnés. Se faire connaître des entreprises, puisque nous sommes reconnus d'intérêt général, donc tout don est défiscalisable, que ce soit pour un particulier ou une entreprise, donc se faire connaître peut-être par des entreprises qui pourraient par là aussi aider. Je suis persuadé qu'en France, il y a énormément de gens qui ont à cœur le handicap et qui ne pensent pas que déjà on peut faire un don qui soit défiscalisable. Donc c'est pas vraiment connu. Il y a aussi Sport et Handicap Grand Est qui est aussi avec nous, et j'ai eu un contact avec eux et qui devrait marcher avec nous, pas qui est encore avec nous, et j'ai eu plusieurs contacts avec eux, dont un récemment, et ils sont très intéressés par notre démarche justement pour aider l'aidant. Par exemple, vous êtes handicapé, vous pratiquez l'escrime, vous avez besoin de vous déplacer pour une compétition à Lille. La fédération prendra encore en charge tout ce qui est le déplacement de la personne handicapée, mais elle oublie que parfois les statuts ne font que l'aidant n'est pas pris en charge. Et un aidant pour quelqu'un qui est en fauteuil, qui participe de la compétition, c'est indispensable. Et donc là, on interviendra aussi pour c'est avec Sport Handicap Grand Est, on a vu cela. On a planter les bases pour pouvoir aider les aidants lors de manifestations sportives. Et pour l'API 52, c'est quoi les projets futurs ? Alors, nous, ça reste toujours un projet d'être au plus proche des gens, parce que nous habitons donc en pleine campagne, et c'est surtout l'isolement qui est... Quelqu'un qui est seul, handicapé, qui ne peut pas se déplacer quelque part, qui ne peut pas donc aller au cinéma, enfin des choses toutes simples comme ça, et qu'en plus, il n'y a personne à qui parler, ça commence à devenir un peu compliqué. Nous, c'est beaucoup un soutien... Une aide au papier, enfin forcément, faire toutes les demandes, mais aussi beaucoup un soutien psychologique. Est-ce qu'on peut retrouver l'API 52 et ERVA sur Internet et les réseaux sociaux ? Oui, pour ERVA, il y a notre page Facebook, il y a notre site Internet, et il y a aussi, on a Instagram, mais peu alimenté, mais déjà là avec Facebook et Internet, on a notre site Internet, vous pouvez nous contacter, vous pouvez, il y a nos coordonnées à la fois téléphoniques, un formulaire, donc vous pouvez, il n'y a aucun problème pour nous contacter. Nous également, on a un site Internet et puis donc la page Asso API en page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à vos associations ? De pouvoir être connu davantage afin que les gens nous sollicitent. Nous, on est prêts à aider, mais c'est vrai qu'on est peu connu. Et surtout que des gens ayant les moyens, ayant la chance de payer des impôts, je veux dire, parce que ayant la chance de payer des impôts. Si on paye des impôts, c'est qu'on a des revenus quand même qui sont décents, sans dire conséquents, mais qu'on a des bons revenus. Voilà. Je sais, on paye toujours trop d'impôts. Mais si on paye des impôts et que on a à cœur le handicap, eh bien faites-nous un don, on vous délivrera un reçu fiscal qui vous donnera droit, vous nous donnez 100 euros, finalement ça ne vous coûtera que 44 euros. Donc on peut multiplier 100, 1000, 10 000, voilà, donc pour une entreprise, n'hésitez pas, et ça nous permettra d'aider, vos dons nous permettront d'aider les personnes en situation, comme on l'a dit, donc là en l'occurrence pour 2023, ça sera Camille l'ascenseur, Joël pour la voiture, Driss pour ses compétitions et d'autres projets encore. Si on est sollicité, on répondra favorablement si les dons sont suffisants. Pour nous, pour notre part, c'est plus sur le fonctionnement de l'association. Et nous, ça fait déjà quand même quelques années qu'on existe. Mais effectivement, on n'est pas si connu que ça non plus parce qu'on n'est que départemental. Nous, par contre, on a le mérite d'être une petite association où on est quand même dans des organismes... On fait partie toutes les commissions et c'est quand même important de se faire connaître encore parce que nous, on n'a pas de quelqu'un qui chapeaute au-dessus, on n'est pas national, on est que départemental. Voilà, donc qu'on continue à exister. Cette émission est maintenant terminée. Christian et Evelyne, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis. Merci Laura, merci beaucoup de votre accueil. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir. Ah oui, avec plaisir. On n'a pas vu le temps passer. Ah, ça passe vite, hein. Oui, oui, tout à fait. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.